C'est du Escanica, c'est du Sopic Balta, à nos KORP et du groupe GTA. Dans cette vie je m'investis, je n'imbécile, je n'apprécie pas les gens dépressifs, je suis précis, j'ai des principes. Si t'es pas d'accord, car moi je veux viser plus loin, je reste pas dans mon plumard, t'es pas content, vas-y plus moi. Je veux pas grailler à peine comme un candidat chez Koh-Lanta. Je viens ouvrir ma gueule même si pour ça je sais qu'il est tard. Je viens choquer l'état et je rêve d'un gros chèque au loto. Moi j'ai des ambitions et un loyer, pour ça que je suis coulotable. Sur ce morceau notre opinion, ici chacun l'étale. Pas besoin de répondre aux jaloux, c'est mon chant qui l'étale. Chaque qualité, je suis culotté, voilà ceux qui me décrivent. Je veux faire un nom, puis avancer tout cela sans commettre de crime. Je vise loin, frère, que le bout de mon nez. J'ai pas de monnaie, mais plein d'ennuis, je me sens un peu diminué. Merde. Je fais tout pour viser plus loin, et qu'un jour mes rêves aboutissent. Mes crânes mènent un revêt plein de tisse, attention j'arrive abruti. On veut viser plus loin, autant vise qu'au parloir. On est guidé par le mal, des plans vas-y par loin. On la cause tout baignoire, on rêve tout ce qui est plein de gloire. Parlant caillou pas toi, sous à col ou pas toi. On veut viser plus loin, autant vise qu'au parloir. On est guidé par le mal, des plans vas-y par loin. On la cause tout baignoire, on rêve tout ce qui est plus de gloire. Parlant caillou pas toi, sous à col ou pas toi. Faut dépasser ses limites, voir plus loin que le bout de ses narines. Faut arrêter de se plaindre et de pleurer sur ce qui nous arrive. Moi quand je regarde la nuit, je me dis qu'un jour je la décrocherai. Inch'Allah, je trouve un bon taf que je puisse signer des crochets. Sauf pique Balthazar, un mandat sur plus de 200 mètres. La vie, une course de fond, l'objectif c'est de s'en remettre. Quand t'échoues, quand tu baisses les bras lors d'un séminaire, vas-y, remonte la tête, qu'est-ce que tu fais, tout ça, ça m'énerve. Mon gros vise plus loin que le point rouge qu'il y a dans la lunette. T'es pas même les gens qui, à part dépit, finissent malhonnêtes. Tous ces gens qui subissent le système sont des marionnettes. Moi je contrôle ma vie et un jour j'aurai ma Rolex. On en apprend tous les jours, je garde tout, car rien ne se perd. Et bientôt je troquerai mon gasoil contre un plein de super. T'arrêtes pas à ce que t'as, sois exigeant pour te satisfaire. Ou sinon ne me parle pas, je te le redis même si c'est ta affaire. On veut viser plus loin, autant vise qu'au parloir. On est guidé par le mal, des plans vas-y par loin. On accoste ou baignoire, on rêve tout ce qui est plein de gloire. Parlant caillou pas toi, sous à col ou pas toi. On veut viser plus loin, autant vise qu'au parloir. On est guidé par le mal, des plans vas-y par loin. On accoste ou baignoire, on rêve tout ce qui est plus de gloire. Parlant caillou pas toi, sous à col ou pas toi. Tu veux pas voyager, être enfin fier de soi. Avoir des gosses qui niquent tout, qui font des mille par mois. Voilà ce qu'on veut, rembarre ta beu, ta street attitude. J'ai même pas 10 piges pour peser lourd dans tout Paris Sud. Faut laisser ses marques, t'as fait compter les gars. Savoir être juste pour les vrais qui t'ont déjà sorti du mal. Donc en bref, il te faut une putain d'équipe solidaire. Du genre qu'on trouve pas partout, faite de valeurs et repères. J'suis ambitieux moi, des PDG c'est cool. On sera peut-être bientôt confrère ou associé ma couille. Tu sais que la bite fait pas le moine, donc fais confiance au mental. Mandasse au Big Balthazar, si là est la faille. Moi j'peux pas rester en bas, faire mine de rien. Puis ma tes zones interdites, dites mon débat de godin. Aino, Sopic, SK, nous on rêve en grand. On a qu'une vie, qu'une merde, donc faut pas finir en plan. On veut viser plus loin, autant vise qu'au parloir. On est guidé par le mal, des plans vas-y par loin. On accoste ou baignoire, on rêve tout ce qui est plein de gloire. Parlant caillou pas toi, sous à col ou pas toi. On veut viser plus loin, autant vise qu'au parloir. On est guidé par le mal, des plans vas-y par loin. On accoste ou baignoire, on rêve tout ce qui est plus de gloire. Parlant caillou pas toi, sous à col ou pas toi. Avec ce qu'on a, Calif Pro, GTA, KORP.